L'identité. L'identité est l'ensemble des éléments qui font qu'une personne est unique. L'identité est multiple. Elle peut être légale, personnelle et numérique. En France, l'identité est légale, c'est-à-dire qu'elle est garantie par la loi. L'identité officielle est inscrite dès la naissance dans les registres de l'état civil dans la mairie de ta ville. L'identité officielle ou légale est composée d'un nom, d'un prénom, d'une filiation, c'est-à-dire du lien qui unit une personne à ses parents, du sexe et de la date et du lieu de naissance. L'identité peut être prouvée par une carte d'identité ou un passeport. La loi autorise le changement de prénom. La demande doit être justifiée par un intérêt légitime, un prénom ridicule ou portant préjudice. On peut également demander à changer de nom de famille s'il s'agit d'un nom difficile à porter car perçu comme ridicule. Certains souhaitent franciser leur nom d'origine étrangère. Si en France, l'identité est garantie par la loi, dans certaines régions du monde, des enfants n'ont pas d'identité légale. On estime que plus de 230 millions d'enfants n'existent pas aux yeux de l'administration de leur pays. On parle d'enfants fantômes. Sans reconnaissance officielle, ces enfants ne sont rien et voués à une vie misérable. Il existe une autre identité, l'identité personnelle. C'est une identité propre à chaque individu et en constante évolution tout au long de la vie. Cette identité se caractérise par des choix, métiers, sports, par des rencontres et également par des goûts. Troisième et dernière identité, l'identité numérique. C'est une identité individuelle mise au format numérique. On peut trouver des informations personnelles d'un individu sur Internet ou sur les réseaux sociaux. L'identité virtuelle présente des avantages. On peut ainsi avoir accès aux informations sur ceux qui nous entourent. On peut également communiquer en ligne facilement. Mais il y a des désavantages. Certains peuvent avoir accès à nos informations et peuvent les voler. Et on ne peut pas être sûr des informations affichées car les gens peuvent facilement mentir. L'identité numérique à travers les réseaux sociaux est une bonne chose. Mais on doit faire attention à ce qu'on y met. Il faut savoir protéger sa vie privée.